the light, called word, had not shone from the beginning of the world. وقتی که روشنی از پیدایش دنیا به وجود نیامده باشد. روشنی از پیدایش دنیا به وجود Les hommes se sont assemblés, brûlant de combattre. Debout sur leurs grands chars de guerre, attelés à des coursiers blancs, les puissants archers sont des héros, prêts à donner leur vie, tous maîtres dans l'art du combat. Aussitôt résonnèrent les conques et les tambours, les cors et les trompettes, et ce fut un tumulte immense qui retentit comme le rugissement du lion. Profondément ému par la pitié et plein de douleur, Arjuna dit, en voyant dans les rangs mes parents brûlant de combattre, mes jambes fléchissent et ma bouche se dessèche, je n'ai pas la force de me tenir debout et ma raison se trouble. Je ne voudrais pas le dire, même si cela devait me rendre souverain des trois mondes. Ayant ainsi parlé sur le champ de bataille, Arjuna, le cœur percé de douleur, retomba sur le siège de son char et jeta loin de lui l'arc et la flèche. Alors, le Seigneur dit, « D'où te vient, Arjuna, en cette heure de danger, ce honteux découragement indigne d'un arien ?» Celui qui croit qu'il peut tuer, et celui qui croit qu'il peut être tué, tous deux sont ignorants. Il ne peut ni tuer, ni être tué. Il ne naît, ni ne meurt. Le corps est toujours invulnérable. Tu ne dois donc t'affliger pour aucune des créatures. Tu ne dois pas trembler, Arjuna. En vérité, pour un arien, il n'y a rien de plus désirable qu'un juste combat. E tu, anima mia, su quell'erba verde, fingi d'essere ugiada gocciata là nella notte, e al sorgere dell'alba svanì. The cuckoo's drunken with love. Kisar mas, as ishq. Thank you. چنگ چشمانت نمی شود که به مانند دو زنبور عسل اقفال کننده است. اقفال کننده است. آیا بهار باعث حرکات قشنگ چشمانت نمی شود که به مانند دو زنبور عسل اقفال؟ They say that spring must not cause the lovely movement of your eyes and the illusion that they might be two beings. Wie geschieht uns so wunderbar, so wunderbar. So wunderbar. So wunderbar. قشنگ چشمانت نمی شود که به مانند دو زنبور Thank you. reinigende Kraft. Dass die Sonne dort steht und die Sterne der Nacht entsprungenes Licht, dort gehalten und wandelnd in stiller Bahn und der Mond in der Kammer der schlummernden Schufe. Eine Hand legt sich um, nun weicht sie zurück und sein Licht quillt uns zu. Uns so wunderbar. Ich frage dich, mein Gott, wie ruht uns die Erde so staunend sicher und darüber die Wolken gehoben gehalten, unsichtbar getragen und bebend, worin und es Perlen und Blüten, die Wasser und Blumen erblühen. Die Rosse des Windes durchbrausen die Bahn und der Wagen der Wolken rollt in den Lüften und wir dürfen das sehen und